podcast France Culture. Les plus hardis tremblaient de peur devant la mort qui rônait. Je m'enfermai donc dans ma maison et pris la résolution de n'en sortir que quand je saurais comment tout cela allait finir. Guillaume de Machaut. Alors j'ai 29 ans, je suis en télétravail effectivement. Est-ce que vous sortez un peu aujourd'hui ? Plus du tout. Et quand je sors, ça va être simplement pour faire les courses. Et c'est avec une peur quand même. De ces choses et de beaucoup d'autres semblables naquirent diverses peurs et imaginations parmi ceux qui survivaient. Et presque tous en arrivaient à fuir les malades et tout ce qui leur avait appartenu. Giovanni Boccaccio. Il y en a beaucoup de paquets qui arrivent de Chine, alors il y a un collègue qui ne veut pas les distribuer, de toute façon. Ces comportements semblent se multiplier. Sur Internet, un hashtag est né, je ne suis pas un virus. En quelque part, on crut que les Juifs avaient empoisonné le monde et ainsi on les tuait. En quelques autres, que c'étaient les pauvres mutilés. Et on les chassait. En autre, que c'étaient les nobles, et ainsi ils craignaient d'aller par le monde. Finalement, on en vint à tenir des gardes aux villes et villages, et on ne permettait pas l'entrée aux inconnus, et s'ils trouvaient sur quelqu'un des poudres ou onguents, craignant que ce fussent des poisons, ils leur faisaient avaler. Guy de Chauliac. La grande peste, l'empreinte d'une tueuse. Quatrième épisode. Quand la terreur alimente la haine contre les Juifs. On disait que cette pestilence venait d'une infection de l'air et des eaux. On en rendit responsables les Juifs, qu'on accusa d'avoir infecté puits et cours d'eau. La cruauté du monde se déchaîna contre eux, si bien qu'ils furent massacrés partout par milliers. Jean de Venette. On a en 1348 un massacre. Le massacre de 300 juifs. Alors Paul Salmona, il dirige le musée d'art et d'histoire du judaïsme et il est spécialiste de l'archéologie du judaïsme et notamment des sépultures. Et de fait, en 2007, les archéologues Anna Colette et Oriol Saula ont mis au jour ce qu'on appelle à Tarrega le fossé des juifs, Fossar del Jueus, qui est donc un fossé où on a retrouvé 6 fosses contenant 69 individus. Et sur ces 69 individus, on en a 40 qui portent des traces de coups sur les os. On a dans certains cas des crânes qui sont littéralement explosés par le coup, avec des trous extrêmement importants. On a certains individus qui ont plus de 20 traces de coups sur le squelette, pour un seul et même individu. En tout, plus de 150 coups identifiables sur les os de l'ensemble des défunts. Et on a tout à fait les preuves d'un massacre extrêmement violent. Et si on a pu retrouver cette fosse et la fouiller pour prendre conscience de la violence inouïe de ce massacre, c'est parce que les sources écrites en avaient gardé la trace, et que ces sources non seulement disaient vrai, mais n'exagéraient en rien. Et si la violence extrême de ce massacre parle de la peur de la peste, et de ce que fait faire la peur, il ne parle pas que de la peur, mais de quelque chose de bien plus sombre. Quelque temps après, les chrétiens qui se levèrent contre les juifs dans la ville de Cervera en ont tué près de 18 et mirent la main au butin. Ceux qui restaient s'enfuirent. 3 jours plus tard, le 10 du mois d'Ab, jour de mortification pour les juifs, les habitants de Riga se soulevèrent à leur tour, attaquèrent les juifs et en ont massacré plus de 300 qu'ils traînaient dans une citerne vide. Et mirent la main au butin. Les survivants se réfugièrent chez leurs amis qui les cachaient jusqu'après la tempête. Ils restèrent nus et dépouillés de tous leurs biens et n'eurent point de honte en ce jour d'épouvante. Peste est le nom de la peur que inflige une maladie qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas, qu'on ne guérit pas. C'est ça que veut dire peste. Alors lui, c'est Patrick Boucheron, c'est un médiéviste. Il est spécialiste de la ville et on a été le voir parce que depuis l'année dernière, il donne un cours sur la peste au Collège de France. Toute la difficulté, au fond, pour nous, les historiennes et les historiens, c'est que quand on dit peste, on dit deux choses. On dit la peste des modernes, c'est-à-dire celle qui a été découverte par Alexandre Yersin à Hong Kong en 1894. C'est le nom d'une maladie, mais les anciens eux-mêmes appelaient peste tout autre chose. Et là, ça nous engage vers une autre histoire, et en particulier celle des pestes anciennes, celle de la peste dite des Athéniens, décrite par Thucydide, celle des pestes romaines du IIIe siècle. Nous savons que ce ne sont pas des pestes sur le plan biologique, mais c'est assurément des pestes dans la conception qu'on en a. C'est pas que la peste fait peur, c'est que la peste est le nom même de la peur. Donc dès que quelque chose fait peur, c'est la peste. À ça, ils avaient tous et toutes peur de moi, et je les comprends. Et puis, ils ont appris à cohabiter avec cette peur de la maladie. Mais quand ce n'est pas la maladie qu'on fuit, mais la haine, alors là, il faut partir et cacher ses affaires en espérant les retrouver plus tard. On peut observer des pans qui sont rouges, donc qui sont émaillés, de petites figures qui sont soit des têtes de dragon, soit des têtes de lion. Elle, c'est Claire Descombes. Elle est conservatrice au Musée d'art et d'histoire du judaïsme. Et si on a été la voir, c'est parce qu'elle connaît très bien l'histoire des persécutions médiévales. La partie qui correspondrait au cabochon adopte la forme du toit d'une maison. Donc là, on a la forme symbolique du foyer du nouveau couple. Et surtout, donc, cette bague porte une inscription en hébreu, Mazal Tov, qui est destinée donc à porter chance au nouveau couple. C'est la plus ancienne bague de mariage juive connue aujourd'hui. Alors cette bague, Claire Descombes, elle vous est prêtée par le musée de Cluny. Mais quelle est son histoire? Comment est-ce qu'elle est venue jusqu'ici? Cette bague, elle fait partie d'un trésor. Alors trésor au double sens du terme, au sens de découverte archéologique et de collection d'objets précieux, qui a donc été mis au jour en 1863 dans une maison de l'ancien quartier juif de Colmar. Alors ce trésor, il est constitué en fait à peu près 300 monnaies, 330 je crois, et je crois 54 objets d'orfèvrerie qui sont essentiellement des bijoux, mais on a aussi un peu de vaisselle. Et alors quand vous dites, Claire Descombes, qu'on l'a retrouvé dans la maison, c'est-à-dire que ce trésor était enterré, que ce trésor était dans un mur, où est-ce qu'on l'a retrouvé? Alors, dans les murs de la maison et non pas enterré dans le sol. Et ce qu'on peut en fait imaginer assez facilement, puisque c'est en fait un cas de figure malheureusement assez fréquent, c'est qu'on a une famille juive qui a dû fuir très précipitamment la ville pour sauver sa vie, et donc elle est partie sans rien, et qu'elle a donc caché au mieux ses richesses en espérant revenir les chercher plus tard. Voilà, et on peut supposer donc que ces personnes sont mortes puisqu'elles ne sont pas revenues. On peut le supposer, car beaucoup sont morts, ont été persécutés et poursuivis alors que je traversais l'Europe. Alors la peste, donc, elle vient en fait par le sud, hein, on voit très bien sa progression, hein, la Catalogne, la Provence, la Savoie, le Dauphiné, puis elle va gagner Strasbourg, donc elle arrive à Colmar en janvier 1349, et il va y avoir un massacre à Colmar, donc des Juifs vont être tués, et d'ailleurs dans un lieu dit qui va s'appeler le Fossé aux Juifs. Ce n'est pas arrivé en un seul jour, c'est-à-dire qu'on a pu suivre la progression et de l'épidémie et des massacres. Hein, donc les Juifs étaient au courant, ils voyaient bien toute cette tension monter, et donc je pense qu'ils ont essayé de fuir. Ils sont d'ailleurs probablement morts, sinon on peut imaginer qu'ils seraient venus récupérer leur trésor, qui représentait quand même une masse monétaire assez importante. Oui, parce qu'en fait, ces personnes ne me fuyaient pas. Elles ne fuyaient pas la peste, elles fuyaient la mort, une mort encore plus certaine, encore plus violente. Elles fuyaient la haine qui se déchaînait contre elles, les désignant comme des boucs émissaires. Donc s'il y a un événement exceptionnel, c'est que Dieu, qui dans la tradition chrétienne parle à ses fidèles par un certain nombre d'événements, heureux ou malheureux, Dieu veut dire quelque chose. Donc à nous d'essayer de le comprendre avec ce besoin de trouver des boucs émissaires face à ces événements si déconcertants finalement. Alors Catherine Vincent, c'est une spécialiste de l'histoire religieuse du Moyen-Âge. Et donc l'idée au fond qui est derrière tout ça, c'est, même si on ne comprend pas exactement le sens, c'est que c'est certainement un appel à se convertir, à corriger les mœurs, à revenir sur un certain nombre de mauvais comportements, etc. Alors il me semble que dans le domaine religieux, comme dans d'autres d'ailleurs, et comme on l'a observé de nos jours, la peste a été plutôt un accélérateur qu'un déclencheur. Je dirais que c'est plutôt ça, peut-être à une ou deux exceptions près, de cultes de saints très particuliers qui se sont affirmés comme justement des grands protecteurs contre la peste. On lit dans les gestes des Lombards qu'au temps du roi Gombert, l'Italie entière fut frappée d'une peste si violente que les vivants suffisaient à peine à ensevelir les morts. Elle fit de grands ravages, particulièrement à Rome et à Pavie. Alors un bon ange apparut sous une forme visible à une foule de personnes, ordonnant au mauvais ange qui le suivait et qui avait un épieu à la main de frapper et d'exterminer. Or, autant de fois il frappait une maison, autant il y avait de morts à enterrer. Il fut révélé alors, par l'ordre de Dieu, à une personne que la peste cesserait entièrement ses ravages si l'on érigeait à Pavie un autel à Saint-Sébastien. Il fut en effet élevé dans l'église de Saint-Pierre aux Liens. Aussitôt après, le fléau cessa. Une belle prière est sur le site aussi pour vous aider à prier par l'intercession de Saint-Roch et Saint-Sébastien. Pour éventuellement remercier d'avoir été épargné par la peste ou éviter de la voir arriver dans des villes, on pouvait offrir aussi de très très longues chandelles qui faisaient le tour des murailles d'une ville, vous voyez, qui enserrent finalement toute la communauté urbaine et qu'on enroule autour d'un axe et qui se dévident très régulièrement en brûlant tout au fil de l'année. Alors il y a un autre geste aussi qui va beaucoup se développer. On va faire appel à l'aide des saints par des processions où l'on va porter les châsses, c'est-à-dire les objets qui souvent ressemblent un peu à des petites églises ou des coffres, des petits coffres ornés, où sont déposées les reliques des saints, donc leurs ossements, et on va les porter en procession autour de l'espace à protéger. À Paris, la grande châsse qu'on processionne quand il y a des difficultés, c'est celle de Sainte-Geneviève. On va la sortir pour des processions en temps de peste. Et alors, on a des enluminures même assez poignantes où on voit des représentations de processions comme ça, avec des clercs qui tombent, touchés par la peste. Alors, les flagellants sont évidemment ceux qui ont poussé la chose le plus loin et d'une manière qui a parfois été quand même extrêmement violente, ce qui explique que les autorités religieuses comme civiles aient souvent plus essayé de contenir les flagellants, voire de les arrêter, que de susciter leur développement. La première manifestation du mouvement des flagellants, elle date de 1260 en Italie du Nord. En 1348, plutôt 49, on a effectivement un nouveau surgissement de flagellants dans le cadre de ces formes un peu paniques devant un événement un peu complètement inattendu. Les gens d'Allemagne commencèrent à aller par le pays à grande marche et en grand nombre. Ils portaient des crucifix et de grandes bannières de soie à la manière de procession et allaient par les rues et chantaient hautement des chansons à Dieu et à Notre-Dame et puis allaient en une place et se dévêtaient deux fois par jour et se battaient tant qu'ils pouvaient de lanières fichées d'aiguilles. Jean le Bel. Ils cinglaient leurs corps nus jusqu'à ce qu'ils ne forment plus qu'une masse de chair gonflée, lacérée, dégoulinante de sang qui éclaboussait les murs. Il m'est arrivé de voir pendant les flagellations les pointes de métal entrer si profondément dans la chair qu'il fallait s'y reprendre à deux ou trois fois pour les en faire sortir. Heinrich von Herford. Il y a eu des interdictions. Absolument, oui, à commencer par le pape. Il n'a pas voulu accueillir les flagellants. Le roi de France non plus. Et donc, ils se sont surtout développés dans les régions de l'Empire, si vous voulez, de l'Allemagne, du Nord, de la Flandre, de ces régions-là, ou de l'Italie aussi un peu. Mais effectivement, ils ont plutôt été mal accueillis par les autorités politiques. Peut-être aussi parce que, même très certainement, ils pouvaient, si vous voulez, être à l'origine de désordres. Et puis, les flagellants ont souvent été à l'origine d'un discours anti-judaïque et de massacres de juifs. Hein. Et ça, la papauté ne l'a pas accepté. Vous avez des textes très intéressants de Clément VI, le pape de l'époque, de la première grande vague de peste, qui explique que les juifs comme les chrétiens sont touchés par la peste. Donc, ce ne sont pas eux les coupables. Bien que nous puissions, à juste titre, détester la perfidie des Juifs, mais, étant conscient que notre Sauveur a jugé digne de choisir la lignée juive dans laquelle, pour le salut de la race humaine, il a pris une chair mortelle, pour cette raison, il est normal que nous chérissons ces mêmes Juifs. Toutefois, récemment, une clameur publique est venue à notre attention, selon laquelle certains chrétiens, blâmant à tort que la peste provient des poisons des Juifs trompés par le diable, ont, dans leur propre témérité impie, tué certains de ces Juifs, sans distinction d'âge ou de sexe. Or, dans de nombreuses et diverses régions du monde qui ne connaissent pas la cohabitation avec ces mêmes juifs, cette peste a affligé et afflige la communauté. Donc la preuve que les juifs susmentionnés sont responsables ne tient pas. Nous vous ordonnons par conséquent, par tous ces écrits apostoliques, que chacun de vous doit avertir ceux qui sont soumis à vous de ne pas saisir, frapper, blesser ou tuer ces mêmes juifs. Donné à Avignon, au 6e calende d'octobre, dans la 7e année de notre pontificat. Pendant toute l'époque médiévale, en fait, les juifs sont protégés par les autorités. Ils ne peuvent pas vivre autrement. D'ailleurs, les quartiers juifs sont souvent à proximité des lieux de pouvoir. Alors, ce n'est pas une protection qui est désintéressée. On parle d'un droit de... un Schutzgeld, donc un droit de protection. Et donc, ces juifs vont être protégés par les autorités contre des impôts très élevés. Donc, ces autorités, en fait, y trouvent tout leur intérêt. Oui, alors c'est une situation qui est très différente selon les pays. On a des communautés juives dans toute l'Europe, de manière très dense, puisqu'en France, les rues aux Juifs ou les rues de la Juiverie sont la trace toponymique fossile, on pourrait dire, de cette présence juive médiévale. Alors de France, ils sont expulsés à plusieurs reprises, en 1182 par Philippe Auguste, puis ils sont autorisés à revenir, ensuite en 1306 par Philippe le Bel, ils ne reviendront que partiellement. Donc c'est une situation qui va se compliquant, qui va être de plus en plus difficile, notamment le concile de Latran IV va prendre toute une série de dispositions anti-juives, notamment le port de la rouelle, qui va être appliqué en France. Et d'ailleurs, on voit qu'une des raisons de la détérioration en Alsace de la situation des Juifs, c'est qu'au départ, donc, ces juifs dépendaient directement de l'empereur, qui petit à petit donc va vendre ce droit de protection à des vassaux locaux qui seront beaucoup plus moins puissants. Et en fait, la sécurité des juifs dépend de l'autorité de leur protecteur. Alors, dans certains cas, elle est efficace. On voit par exemple que dans le comté avignonnais, les juifs ont pu être protégés par les papes. Mais ils n'ont pas pu être protégés partout. Et ils ont souvent été livrés ou abandonnés à la foule. À Toulon, en avril 1348, 40 juifs sont tués et leurs maisons pillées. Ça continue en Provence, à Apt et à Fort-Calquier. La synagogue de Saint-Rémy de Provence est brûlée. À Narbonne et à Carcassonne, des juifs sont massacrés par la foule. À Bulles-et-Baronnies, à Valence et à Pont de Beauvoisin, ils sont jetés dans un puits qu'on leur accuse d'avoir empoisonné. En octobre, les massacres continuent en Franche-Comté. Mais est-ce qu'on les tue vraiment parce qu'on les croit semeurs de peste ? On cherche à nuire aux Juifs et à les faire expulser. Et donc, on va inventer toutes sortes d'arguments plus farfelus les uns que les autres. On est aussi à une période où on a régulièrement des accusations de crimes rituels ou de profanation d'hosties. Donc, on a vraiment toutes sortes de bruits. Alors, je dirais que c'est lié à tous les troubles qui vont accompagner la peste. Et sachant que les Juifs vont servir de bouc émissaire. Et puis, on a beaucoup de rumeurs, notamment celle qui va accuser les Juifs d'empoisonner les puits pour en fait tuer tous les chrétiens et un véritable complot qui serait donc ourdi par les juifs avec la complicité des lépreux. Et ce que vous dites bien, Claire de Conte, c'est que finalement que c'est un prétexte, c'est-à-dire que finalement peu importe de quoi on parle, l'idée c'est de trouver une raison qui permettrait de chasser les juifs des villes. C'est une raison tout à fait et qui permet de soulever les masses populaires, alors sachant que derrière il y a des motifs essentiellement économiques qui sont liés donc à la fois à de la jalousie et à de la concurrence, puisqu'on est à une période, au XIVe siècle, où les Juifs exercent essentiellement donc des métiers liés au prêt de l'argent, qui a donc été interdit aux chrétiens, voilà, et que c'est un métier qui est par essence impopulaire. Et beaucoup espèrent, en fait, en tuant les Juifs, éteindre en même temps leurs dettes. Toutes les études médiévales aujourd'hui montrent de manière très très claire qu'un certain nombre de ces Juifs du Moyen-Âge, tous n'étaient pas banquiers, tous n'étaient pas prêteurs. Bien entendu, il y avait des artisans de toutes sortes, des médecins et ainsi de suite. Mais certains étaient prêteurs et jouaient un rôle tout à fait fondamental dans l'économie, et je dirais même dans l'économie agricole de base de ces sociétés agraires qui prêtaient avant la vendange, avant la moisson, de manière à permettre aux agriculteurs d'embaucher la main-d'œuvre dont ils avaient besoin pour les récoltes, qu'ils remboursaient après, et donc qui avaient une activité à la fois de marchands et de prêteurs, de monde-piété aussi, on pourrait dire, une sorte de crédit agricole médiéval, d'une certaine manière. Donc là, on a devant nous comme une grande table sur laquelle il y a des volets qu'on peut ouvrir. Oui, tout à fait, c'est pour protéger les documents de la lumière. De la lumière. Donc voilà. Ouvrir les volets. Alors, ce que je voulais donc vous montrer ici, c'est une gravure donc, qui est intitulée « Verbrennung der Juden in Strasbourg », donc ça veut dire « Le brûlement des Juifs de Strasbourg ». Donc là, on est encore dans cet épisode de la peste noire. Il s'agit du grand massacre des Juifs de Strasbourg, donc lors de la Saint-Valentin, donc le 14 février 1349, donc à peu près un mois après Colmar. Les Juifs sont enfermés dans leur quartier, mais le 13, les portes sont forcées et donc on a un massacre dans toutes les maisons. Donc on sort les femmes, les enfants, les vieillards, on assassine beaucoup de gens. Et le lendemain, donc on a des grands bûchers qui sont allumés dans le cimetière. Alors le cimetière, il se trouvait juste à l'extérieur de la ville, à l'emplacement de l'actuelle place de la République. Et donc, ce que l'on voit sur cette gravure, alors c'est assez confus, on voit d'immenses bûchers avec des personnages en armes, et puis donc dans ces bûchers, toutes sortes de personnes hein, qui ont les bras levés au ciel et qui sont donc en train de mourir. C'est une gravure spectaculaire qui veut vraiment montrer l'horreur de la scène. Les gens sont terrifiés, les bras levés vers le ciel. Et en fait, ils n'ont pas donc d'échappatoire, ils ont le baptême ou la mort, et beaucoup donc vont choisir la mort. Et vont donc être précipités dans les flammes. Ce qui est intéressant de noter, peut-être Claire de Combes, c'est que donc ce massacre a lieu alors que la peste n'est pas encore arrivée dans la ville. Alors, tout à fait. La peste n'est pas encore arrivée dans la ville. En revanche, les rumeurs, elles circulent très bien. Donc, c'est un massacre qu'on va dire préventif. Et là encore, donc on voit que les autorités de la ville, notamment Pierre Schwarber, ont essayé de défendre les Juifs et ils n'y sont pas arrivés. Et il y a même un renversement en fait de l'équipe municipale, c'est-à-dire que le 10, à la fois la noblesse et les ecclésiastiques et surtout donc les corporations, des artisans. Alors on peut dire d'ailleurs que dans les ennemis des Juifs, en fait, on a vraiment tout le peuple et notamment bon dans les corporations, parmi les plus excités, on a les bouchers parce qu'ils estiment que les Juifs leur font une concurrence déloyale en revendant donc la partie des animaux qui ne sont pas consommables. On a aussi évidemment les ordres mendiants qui sont extrêmement donc remontés contre les Juifs. Les masses populaires renversent le pouvoir de Strasbourg, enfin, les magistrats en poste, et mettre en place donc un boucher, donc le pire ennemi en fait de la communauté juive qui prend le pouvoir à Strasbourg. La situation devient totalement incontrôlable. C'est vrai. Je l'ai vu. Les choses devenaient incontrôlables. La violence se déchaînait et je n'y étais pour rien. Mais en Espagne aussi, les choses sont devenues terribles. Et c'est les traces de cette violence et de cette haine antisémite que les archéologues ont mis au jour à Tárrega. Une des autres caractéristiques de ce site, c'est que le pogrom est bien documenté par les documents de la chancellerie royale d'Aragon. Et on a un document antérieur qui est une mise en garde quant au risque couru par les Juifs dans la ville. Ça veut dire, Paul Salmona, que les autorités royales espagnoles tentaient de protéger d'une certaine manière cette communauté et qu'elles savaient qu'elle était en danger. Alors, il faut dire que le massacre de Tárrega intervient après celui de Barcelone et celui de Cervera, d'une part. Donc, il y a des indices qui peuvent mettre en garde hein, sur le risque encouru par les communautés juives en Espagne, d'une manière générale. Et d'autre part, en effet, là, on n'a pas nécessairement des souverains qui sont favorables aux Juifs. Mais en l'occurrence, là, on a affaire à une couronne d'Aragon qui protège les Juifs. En l'occurrence, le massacre est d'initiative populaire. Alors, d'initiative populaire, mais peut-être encadrée, même très probablement encadrée par les notables. Et on sait que le maire de la ville, à l'époque, a participé au massacre. Et on sait très clairement, et là on a des témoignages, hein, que les biens ont été volés ou détruits. Et notamment, ont été détruits les reconnaissances de dette, puisque probablement une partie de ces Juifs de Tárrega étaient prêteurs. Alors, est-ce que, Claire de Combes, on peut dire aussi que cette histoire qu'on raconte, voilà, que c'est pour empêcher l'arrivée de la peste que l'on a tué les Juifs de Strasbourg, finalement, c'est pas vrai. C'est-à-dire non. Que c'était quand même une vieille histoire et c'est une histoire politique. Tout à fait, c'est une histoire politique et il y a vraiment une manipulation, je dirais, des masses populaires qui sont excitées contre les Juifs. Mais on voit bien qu'il y a beaucoup d'autres choses en jeu et notamment donc des jalousies économiques, ça c'est évident. En même temps qu'on brûle les Juifs, on brûle en même temps les créances, c'est-à-dire qu'on brûle toutes les traces des dettes. Hein. L'idée, elle est vraiment là. Elle est et à la suite de ce massacre d'ailleurs, les Juifs vont être expulsés pour une centaine d'années de la ville, mais on va voir qu'ils vont revenir très rapidement. On va les réaccepter contre de nouveau des impôts très très élevés, et c'est à ce moment-là d'ailleurs qu'on va avoir ce règlement, je crois que c'est en 1475, qui décrétait que lorsque des Juifs retrouveraient dans leur cimetière ou dans leur maison des pièces d'argent ou des objets précieux, ils devraient en donner la moitié à la ville. Donc ça veut dire que la ville avait bien conscience que les Juifs avaient très couramment donc caché ce qu'ils pouvaient avant d'être tués. Mais paradoxalement, cette violence qui est encore visible, palpable, dans les fouilles de Tarrega nous raconte beaucoup d'autres choses. Quand vous décriviez tout à l'heure cette fosse dans laquelle donc, les archéologues ont retrouvé ces corps et ces objets, ce que vous décrivez, c'est aussi finalement des inhumations qui n'ont pas pu se faire comme elles devaient. Ah oui, tout à fait. C'est ce qui fait que j'emploie le terme sépulture de catastrophe. On en connaît d'autres, d'ailleurs, des sépultures de catastrophe. Ce qui caractérise les cimetières juifs et le mode d'inhumation traditionnel dans la tradition juive, c'est l'inhumation du corps dans un simple linceul, sans aucun mobilier archéologique, en d'autres termes, sans rien qui accompagne le corps, dans de la terre vierge. Or là, on a retrouvé des restes de vêtements, évidemment. On a retrouvé des bijoux, des colliers, des bracelets, des bagues, et on a même une bague au nom de la défunte, Bonnette, Et puis on a même, c'est tout à fait extraordinaire, un collier prophylactique, un collier d'enfant, dont évidemment le cordon est perdu, qui a été retrouvé sur un enfant d'une dizaine d'années au niveau du cou. Et on a des éléments en argent, un rectangle en jet qui est serti dans une attache en argent. On a des éléments de corail long. On a une main qui fait penser à la fameuse main de Fatma, la Khamsa, dans la tradition juive. On a une perle sphérique en cristal de roche. On a une autre main en corne. C'est quelque chose que les parents ont mis à l'enfant pour le protéger, probablement pour le protéger de la peste. Et donc on a là, par l'archéologie, la démonstration que ces pratiques magiques étaient partagées entre juifs et chrétiens, notamment dans cette période de peste. Parce que finalement, tout le monde a peur de moi et chacun essaye de protéger les siens, en s'isolant pour ceux et celles qui le peuvent, mais avec des amulettes aussi pour les autres. Après tout, on ne sait jamais. Bref, les populations ont dû apprendre à vivre avec moi et les municipalités à s'organiser. Merci à Claire Descombes, Paul Salmona et Catherine Vincent. Merci aussi au Musée d'art et d'histoire du judaïsme et au Musée de Cluny. Lecture, Sarah Chaumette et Éric Herson-Macarel. Prise de son, Yves Lehors, Christophe Papon et Julie Garraud. Mixage, Éric Boisset. La Grande Peste, l'empreinte d'une tueuse, quand la terreur amplifie la haine des Juifs. Perrine Kervran, Anne Pérez.